de déception, en peine de cœur. J'aimerais trouver l'âme sœur. Je ne suis pas un emmerdeur, j'ai aussi le droit à mon bonheur. J'ai vraiment tout essayé, les poèmes et les gros bouquets, les restaurants d'intimité. Ça ne marche pas, non, rien n'y fait. Je me dis, certains jours, où es-tu, mon amour? Tu es là, quelque part. Je suis à l'heure, toi, en retard. Je suis passé par des agences pour des rencontres réglées d'avance. Les speed dating américains, j'ai vu de tout, séduit en vain. Aucune femme n'a succombé à mes avances désespérées. Aucune femme ne m'a choisi. Il y a un truc, je vous le dis. Je me dis, certains jours, où es-tu, mon amour? Tu es là, quelque part. Je t'attends, moi j'en ai marre. Je me suis tourné vers des mamies, vers toutes celles qu'on a bannies, vers les plus grosses, les plus petites, et même vers celles dont l'âme s'effrite. Par désespoir ou par dépit, ces esselées ont quand même fui. Faut-il que je vire ma cutille et tirer un trait sur les filles? Je me dis, certains jours, où es-tu, mon amour? Tu t'es venu au rencard, te voilà mon cher Gérard. Messieurs pédé, messieurs homo, je suis un de plus dans le troupeau. À vous mesdames, je tiens à dire qu'à vos côtés j'ai pu souffrir. Je suis allé me faire voir chez les Grecs, là où il n'y a que des mecs. J'y ai pu soi, y est mon pathos. Depuis je vis à Mykonos. Je me dis, certains jours, où es-tu, mon amour? Tu es venu un peu tard pour changer toute mon histoire. Je me dis, certains jours, où es-tu, mon amour? Tu es venu un peu tard.